Les enfants sont-ils, oui ou non, susceptibles au SARS-CoV-2? On nous a dit oui, puis non. Aujourd'hui, le flou demeure sur leur capacité non seulement à être infectés, mais aussi à transmettre le virus du Covid. On fait le point dans cette émission. Les dinosaures, on sait à peu près pourquoi ils ont disparu, rapport à la comète, mais pas que. Mais sait-on pourquoi ils sont apparus? On retourne dans la pouponnière à dino. Et enfin, les arbres sont nos amis. Quoi de mieux que de se promener en forêt, sentir leur écorce rugueuse, leur placidité bienveillante, sauf pour quelques spécimens empoisonnés et venimeux. Le secret des arbres à poison sera levé? Oui, il le sera. Covid pédiatrique, apparition des dinosaures et arbres à poison, c'est le programme généreux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme, ils ont le cuir plus épais que celui des dinosaures, la plume plus vénéneuse que n'importe quel végétal. Ce sont mes camarades vulgarisateurs du vendredi, à commencer par Olivier Lascar. Bonjour Olivier. Bonjour cher Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Sciences et Avenir, la recherche. Bonjour Thomas Cavaillé et bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Nicolas, bonjour vous, à tous. Vous travaillez pour le magazine Science et Vie, vous prenez la place et la succession de notre camarade Mathilde Fontaise, que nous retrouverons bientôt, on l'espère, et qu'on salue ici. Et Toubib, bonjour, bonsoir à vous. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Toubib, je vous appelle comme ça parce que c'est votre nom de plume. Vous êtes médecin, vous travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier français. Vous êtes auteur de la page Facebook Toubi or not Toubib. Vous publiez Urgence or not Urgence, c'est aux éditions First. Peut-être un mot sur l'anonymat et la raison pour laquelle vous préférez garder votre nom de plume? Bon, de façon assez simple, parce que déjà je n'aspire pas vraiment à la gloire et que c'est mon... C'est vraiment le message qui doit primer. Et puis, on l'a vu là récemment, je pense que vu le saut d'insultes qu'on peut recevoir et parfois les menaces de mort, il n'est pas très bien vu en ce moment de mettre son nom, surtout sur les réseaux sociaux. Eh bien, Toubib, vous serez, et Toubib, vous resterez, merci en tout cas d'être avec nous pour cette émission et cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Mais pour commencer, celle qui regrette chaque matin en se levant de ne pas avoir un petit dinosaure de compagnie, parce qu'ils sont vraiment trop mignons et qu'ils mettent moins de poils que les chiens, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans la revue Nature a identifié un mécanisme clé du vieillissement cérébral. Et le vieillissement cérébral est en partie lié à de fortes réponses inflammatoires. Depuis longtemps, on pense que réduire cette inflammation cérébrale pourrait retarder le déclin cognitif dû à l'âge. Mais quelles sont les cellules du système immunitaire qui déclenchent cette surmultiplication inflammatoire? Des biologistes américains viennent de faire une avancée. Ils ont découvert que le dérèglement des cellules myéloïdes serait responsable de cette inflammation. Les chercheurs ont d'abord comparé les cellules de souris et de personnes âgées avec des plus jeunes, et ils ont constaté que les plus âgés produisent en plus grande quantité une hormone, la PGE2, la prostaglandine E2, qui peut favoriser l'inflammation et qui se lie au récepteur EP2 des cellules myéloïdes. Les chercheurs ont ensuite traité des souris pour bloquer cette liaison PGE2-EP2, ce qui a permis de stopper l'inflammation et de rajeunir la bioénergie cellulaire. Nous sommes encore très loin d'une application clinique, mais cette étude suggère que le vieillissement cognitif n'est peut-être pas une condition irrévocable. En bref, selon une étude parue hier dans Scientific Reports, cette étude prouve que les néonicotinoïdes perturbent la mémoire et le sommeil des abeilles. Une équipe britannique s'est intéressée à l'insecticide le plus répandu dans le monde et à ses effets sur les abeilles. Les chercheurs ont exposé des abeilles à des taux de concentration égaux à ceux que l'on trouve dans des exploitations agricoles. Les abeilles exposées se sont montrées plus actives la nuit et somnolentes le jour. Les néonicotinoïdes perturbent leur cycle de sommeil naturel, ce qui affecte leurs souvenirs pour rechercher de la nourriture. Selon ce papier, cela a des conséquences sur la pollinisation et sur la survie des colonies d'abeilles. Et selon une étude publiée dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society B, certaines espèces de macaques sont devenues expertes en extorsion. Oui, à Bali, il est courant de voir les macaques à longue queue voler des objets aux touristes. Des chercheurs les ont observés pendant près d'un an sur un site touristique. Ils mettent en évidence que ces primates ont appris à reconnaître la valeur des objets qu'ils volent pour les troquer ensuite contre de la nourriture. Les singes ont bien compris qu'un téléphone ou un portefeuille est beaucoup plus précieux qu'un chapeau ou une tongue. Et lorsqu'ils dérobent un objet de valeur, ils sont beaucoup plus difficiles en négociation et mettent plus de temps à se séparer de leur butin. Alors selon ce papier, hein, on peut considérer le vol et le troc de primates comme une preuve d'intelligence culturelle et comme un processus de décision économique. Promis, je vous rends votre portefeuille tout à l'heure. Toutes ces études, vous pouvez les retrouver comme chaque jour sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @laméthodefc, ainsi que sur notre site franceculture.fr. Pardon. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Selon une étude parue dans Science Advances, avec le réchauffement climatique, la biosphère terrestre va atteindre un point de bascule en 2040, Natacha. Et l'activité des plantes, par la photosynthèse, fait respirer notre planète en échangeant du dioxyde de carbone et de l'oxygène. On estime que la biosphère absorbe 30% des émissions de carbone provoquées par l'humain. C'est ce qu'on appelle la capacité de puits de carbone, et cela atténue le changement climatique. Une équipe internationale montre que ses capacités d'absorption ne sont pas illimitées. Les chercheurs ont analysé les données du plus grand réseau de surveillance continue des flux de carbone sur 20 ans. Il s'avère que pour tous les écosystèmes du monde, les taux de photosynthèse baissent lorsqu'il fait trop chaud. La photosynthèse est dépendante de la température et à mesure que la planète se réchauffe, la force de ces puits de carbone s'amenuise. À l'heure actuelle, 10% de la biosphère terrestre subit déjà des températures au-delà de ce maximum photosynthétique. Selon les auteurs, nous ne pourrons plus compter sur ces puits de carbone d'ici 2040. Dans 20 ans, nos arbres auront perdu la moitié de leur capacité d'absorption, ce qui accélérera donc le changement climatique. Dans le journal des sciences de cette semaine, il a été question de l'océan qui se réchauffe plus vite que prévu en Antarctique, de la probable détection d'action du Covid-19 qui pourrait à l'avenir bien finir par ressembler à un simple rhume et des nouveaux variants du SARS-CoV-2 découverts notamment aux États-Unis, mais également dans l'actualité scientifique de cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, les astronomes ont peut-être découvert un incroyable système à 6 étoiles. Le télescope spatial TESS aurait détecté, à 1900 années-lumière de nous, un système de 3 binaires. 2 paires d'étoiles binaires qui orbitent chacune autour de 2 étoiles, elles aussi liées par la gravité. Ce système à 6 étoiles est le seul à avoir 3 séries d'éclipses. Cette semaine, dans la revue Science Robotics, une innovation technologique avec un robot poulpe. La machine reproduit la nage des calamars et peut se propulser dans l'eau. Elle ressemble à un parapluie en caoutchouc qui s'ouvre pour aspirer l'eau, puis qui se contracte pour l'expulser et provoquer une poussée. Cette invention pourrait être utile pour propulser plus efficacement de futurs sous-marins. Et enfin, cette semaine, des chercheurs ont découvert dans notre Voie lactée une étrange exoplanète d'une densité très faible. La géante gazeuse WASP-107b orbite très près d'une étoile naine orange. Elle est presque aussi grande que Jupiter, mais sa masse est extrêmement faible, presque pelucheuse. Les astrophysiciens parlent de planète barbe à papa. Elle remet en question notre compréhension de la formation des planètes géantes. De nouvelles observations sont prévues pour tenter d'élucider ce mystère. Et après la planète barbe à papa, on termine par la rubrique de sciences improbables. Oui, vous n'avez pas encore tout entendu. Et cette semaine, Natacha, en sciences improbables, c'est une étude parue dans la revue Current Biology. Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à reconstituer un anus de dinosaure. En vous remerciant. Une équipe internationale a retrouvé le fossile d'un cloaque, cet orifice unique chez les tortues ou les oiseaux qui leur servent à s'accoupler, à pondre, à uriner et à déféquer. Ce cloaque de Psittacosaurus, un dinosaure à bec, était étonnamment bien conservé. Ce qui a permis aux chercheurs de faire une reconstitution 3D de cet anus. Ils l'ont comparé à d'autres animaux et selon eux, ce cloaque jouait un rôle de signalisation visuelle et olfactive, avec des glandes musquées pour produire des odeurs attractives et une pigmentation pour être visuellement attrayant. Alors on ne sait pas si tous les dinosaures se reniflaient le derrière comme les chiens, mais chez le Psittacosaurus, cela ne fait aucun doute. Oui, je pense que c'est la signalisation visuelle et olfactive qui va me rester imprimée dans l'esprit pour tout le week-end. Vraiment, merci beaucoup, Natacha, pour cette image. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Je me retourne vers mes camarades du jour pour commenter un peu cette actualité de la semaine, cette actualité scientifique de la semaine. Olivier Lascar, sur quoi vous souhaitez réagir pour commencer? Peut-être les néonicotinoïdes, parce que c'est une saga sans fin. On commence à en être un peu lassé. sait, mais ça s'enquiste, hein, puisqu'il devait être interdit en France depuis le 1er septembre 2018. Et puis, le gouvernement de Jean Castex a décidé de légiférer à l'automne dernier pour permettre aux agriculteurs de l'employer à nouveau à partir de 2021 pour sauver les betteraves, hein, puisque les betteraves sont atteintes de la jaunisse. Et d'après la ministre Barbara Pompili, qui était vent debout à l'époque quand elle n'était pas dans le gouvernement pour dire qu'il fallait absolument interdire les néonicotinoïdes, là, elle a changé à 180 degrés, faut bien le dire, pour dire que sans l'utilisation de ce pesticide, dans 6 mois, il n'y avait plus de filière betteravière. Bon. On a publié sur le site de Science Avenir des papiers qui expliquent dans quelle mesure d'autres voies sont possibles et que comment la betterave pourrait priver de néonicotinoïdes. Donc c'est un débat complexe qui rend tout le monde un peu épileptique, comme c'est le débat aujourd'hui. Hein. C'est un débat complexe, mais ce qui est assez surprenant vis-à-vis des néonicotinoïdes, c'est vrai que toutes la charge de preuve commence à s'accumuler, pourrait-on dire. Hein, parce que des études qui montrent non seulement une diminution de l'activité, une diminution de l'autonomie par rapport à la ruche, la somnolence, une diminution de la curiosité, enfin je veux dire que ça commence, parce qu'on entend beaucoup dire que finalement, oui, on a des preuves, mais des preuves qui sont pas concluantes. Là, a priori, quand même, la charge de la preuve commence à être solide. Dans les publications scientifiques sont innombrables. Les abeilles qui trouvent plus le chemin de la ruche. Qui sont désorientées, oui. On peut pas croire qu'il y a encore débat sur cette question, en tout cas du point de vue de la nocivité sur les butineuses. Thomas Cavalier, peut-être un mot, soit sur les néonicotinoïdes ou sur un autre sujet de l'actualité scientifique de la semaine. Moi, comme je suis sur les dinosaures, je vais rester sur ce fameux cloaque là qui vient d'être retrouvé. C'est assez formidable, en tout cas, parce que c'est très rare d'avoir des tissus mous, en fait, de dinosaures, et de pouvoir, en plus, imaginer comment ça se passait, parce que le cloaque, on l'a dit tout à l'heure, c'était aussi pour la reproduction. Et là, on touche quelque chose qui est en fait absolument exceptionnel chez les dinosaures, c'est qu'on sait absolument pas comment ils pouvaient s'accoupler. Regardez les stégosaures avec leurs énormes plaques, des épines sur le dos. Comment ça se passait l'accouplement chez eux? Il y a eu de super articles par Émilie Rocher, qui est maintenant rédac-chef des cahiers de Science et Vie, où elle a interrogé des chercheurs qui se demandaient vraiment comment les stégosaures pouvaient s'accoupler, parce qu'il y a eu des modélisations, et si jamais c'était une monte normale chez les animaux, le mâle se faisait castrer à tous les coups. Donc avouez que c'est quand même assez... C'est gênant. Mais bien sûr, évidemment. Non, c'est tout à fait évidemment. On en parle comme de science improbable, mais c'est effectivement tout à fait passionnant. On va continuer à discuter tout à l'heure avec vous, hein, Thomas Cavalier, de ces dinosaures qu'on a l'impression de connaître si bien et qu'on connaît finalement pas tant que ça, et qui ont, je dois dire, c'est vrai que le dossier de Science et Vie ce mois-ci sur cette apparition des dinosaures dont vous allez nous parler est assez passionnant. Mais je me retourne vers le camarade Toubib. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que sur lesquelles vous vouliez réagir, notamment, je pensais évidemment à cette question des nombreux variants que l'on commence à égrener un peu chaque jour, comme on égrenait naguère le nombre de nouvelles contaminations. On a l'impression que d'un seul coup, ce virus s'est mis à muter énormément, alors que jusqu'à présent, on nous disait que finalement, il mutait assez peu, qu'il y avait un système de contrôle interne à l'ARN du virus qui permettait d'éviter justement une trop grande variation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? Déjà, je pense que de dire qu'il ne mutait pas auparavant, c'est partiellement faux. C'est quand même... Un virus mute toujours en permanence. En fait, ce qui est toujours très important à comprendre par rapport au virus, c'est la sélection qui va permettre d'avoir une forme qui est avantageuse en fait pour le virus, et qui va permettre d'avoir une sorte de compétition positive. C'est comme la sélection naturelle. Et là, on assiste à un phénomène en ce moment, l'émergence de plusieurs variants, alors sud-africains ou anglais ou plus récemment brésiliennes, qui partagent des caractéristiques communes et qui prouvent en fait que ce type de mutation-là, qui augmente la contagiosité, va être préféré par le virus. Et c'est une nouvelle bien plus inquiétante finalement que la mortalité. Plus le virus sera contagieux et plus il sera dangereux. Oui, ça c'est quelque chose aussi effectivement d'un peu anti-instinctif ou contre-intuitif, c'est que effectivement un virus qui est plus contagieux a en conséquence de provoquer plus de morts qu'un virus qui deviendrait plus létal et plus virulent, parce qu'il contamine plus de personnes, et donc statistiquement ça augmente le nombre de décès. Olivier, peut-être un mot là-dessus sur ces différents variants. Après, la question est celle de la des vaccins dont on dispose aujourd'hui, est-ce qu'ils sont bel et bien efficaces contre les variants? Il y a des publications là qui laissent à penser que les vaccins à ARN, en tout cas le Pfizer, semblent efficaces contre le variant britannique. Il y a encore une ambiguïté par rapport au variant sud-africain. Enfin, il n'y a pas assez de données pour le dire. Il y a la question, est-ce que c'est des vaccins à effet total, hein? Est-ce qu'il permet simplement de ne pas tomber malade, ou est-ce qu'il va empêcher également de passer la maladie à son voisin? C'est finalement indépendant de la question du variant, parce que c'est pas clair non plus pour la souche principale. Bon, c'est vrai, comme vous le dites très justement, on est passé d'un égrenage à l'autre. Hein. C'est ça qui est un petit peu angoissant. J'ai peut-être une question pour notre camarade Touib également. On a entendu aujourd'hui les recommandations de l'agence de santé dire que bien face à ce nouveau variant, les masques en tissu n'étaient plus suffisants en termes de protection. Et c'est vrai qu'on a reçu pas mal de commentaires et de questions d'auditrices et d'auditeurs qui ont du mal à comprendre cette déclaration en disant finalement, pourquoi est-ce qu'un variant empêcherait, est-ce qu'un masque en tissu, empêcherait moins un variant que l'autre? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu foutu de nous sur cette question des masques en tissu? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre, Monsieur Toubib? C'est une bonne question, Nicolas. Bon, je vais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que peut-être a dit le gouvernement jusque-là, mais j'ai jamais été un très grand défenseur des masques en tissu, surtout les tissus. Masques en tissu artisanaux, hein, qu'on fait chez soi et qui ne sont pas forcément toujours aux normes. Ce que je pense surtout, c'est que le principal, c'est de se fier aux masques chirurgicaux, donc aux masques en papier, et que l'histoire de variants, je trouve pas que ça a vraiment grand chose à voir là-dedans. On a toujours su que les masques chirurgicaux étaient plus filtrants et plus sûrs que les masques artisanaux. Olivier? Peut-être rappeler qu'en Allemagne, hein, mardi soir, Angela Merkel a décidé que les masques chirurgicaux devenaient obligatoires dans certaines circonstances. Dans les transports. Transports en commun, les lieux de culte, certains lieux clos. Hein, donc c'est une problématique qui va arriver fatalement chez nous. Et on va à nouveau se poser la question des stocks. Hein, est-ce qu'on a assez ou pas? Écoutez, en attendant, effectivement, hein, on maintient les gestes barrières, on maintient surtout le port du masque et de préférence des masques chirurgicaux. Et on va continuer tout de suite à parler du Covid et notamment du lien entre les Covid et les enfants. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, c'est le premier sujet de notre table ronde du vendredi avec cette question sensible, hein, là où aussi on a entendu beaucoup de choses et son contraire, tant pour les enseignants que pour les familles, et une question qui a bien du mal donc à être tranchée. Que sait-on exactement de l'infectiosité et de la virulence du SARS-CoV-2 sur les enfants? Monsieur Toubib, on l'a dit hein, au tout début, souvenez-vous, il y a bientôt un an presque, au moment du premier confinement, on s'est empressé de fermer les écoles et les établissements scolaires en disant « Mon Dieu, attention, les enfants, comme pour la grippe, peuvent être un foyer, les établissements scolaires peuvent être des foyers de contamination, ils peuvent être des grands relais du virus. » Et puis ensuite, on nous a dit « Ah mais non, c'est pas grave, finalement, les enfants sont moins contagieux. » Et puis aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que bah, il y a quand même des clusters dans les écoles et on n'y comprend plus grand-chose. Monsieur Toubib, vous êtes donc, vous, médecin spécialiste en pédiatrie, et vous pouvez nous renseigner un peu sur ces questions et nous aider à comprendre exactement ces liens entre Covid et les enfants, quoi. Et la pédiatrie, pardon. En effet. Voilà. J'allais dire puriculture, mais pas du tout pédiatrie. Oui, non. Enfin, oui, c'est lié, mais oui, voilà, avec les enfants. Déjà, écoutez, pour commencer, je pense qu'il faut rappeler une chose importante, hein, c'est que dans cette épidémie, les enfants, c'est les moins concernés par le Covid-19, parce qu'ils vont développer majoritairement des formes bénignes, et même dans certaines études on voit qu'il y en a jusqu'à 50% en fait, hein, des enfants qui ont des formes dites asymptomatiques. Donc on ne sait vraiment pas du tout si l'enfant va pouvoir présenter à un moment ou un autre des symptômes, et ça va rendre très difficile de limiter la contagiosité. Ça, on va y revenir parce que c'est la question principale. La bonne nouvelle, c'est aussi que il y a que 1% des formes hospitalisées en France qui en fait sont des enfants entre 0 et 14 ans. Et il n'y a eu, c'est malheureux, mais on voit que c'est très peu par rapport à la population générale, que 4 décès. Ça a été maintenant, il y a une chose claire et certaine qui est identifiée par rapport à ça, c'est que le fait que l'enfant va exprimer de façon très faible le récepteur, qu'on dit le récepteur ACE2, qui va se lier avec la fameuse protéine spike, là, dont on parle à tout bout de champ depuis longtemps. Qui est la protéine de surface du virus. Voilà, exactement. Qu'utilisent des virus ARN, dont on parlait tout à l'heure, les vaccins ARN, pardon. En fait, le fait qu'ils expriment moins ces récepteurs va entraîner une forme moindre de ces formes de Covid. Je me permets de vous interrompre un instant parce qu'on parle des enfants et là vous nous dites entre 0 et 14 ans, on a pu entendre que c'était aussi jusqu'aux adolescents, jusqu'à 19 ans. En fait, est-ce que là aussi il n'y a pas quelque chose à spécifier sur ce qu'on entend exactement par le lien entre le Covid et les enfants? Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on comprend dans la population de enfants? Normalement, les enfants, c'est grosso modo entre 0, 14, 15 ans, selon les centres en France par rapport à la prise en charge. Après, on peut aller jusqu'à 18 ans, mais en fait, entre 13, 14 et jusqu'à 18 ans, comme vous le disiez, c'est des adolescents. Mais les adolescents vont plus tendre à avoir des ressemblances avec l'adulte. Donc, eux, ils vont être plus contagieux, avoir des formes plus graves. On sort du cadre de l'enfant pur et dur, comme on en parlait tout à l'heure au début de l'émission. C'est pour ça que le fait de parler de contagiosité, on va déjà tordre le cou à un truc très rapidement, c'est que oui, l'adolescent en université, en faculté, la fin du lycée, oui, ils sont contagieux. Et ils sont contagieux comme les adultes. Il faut pas se leurrer. C'est ça. Donc on va plutôt parler donc des enfants, disons jusqu'à 10, 12 et 14 ans. On va voir que ça c'est encore limite. Ce qui est intéressant et ce qu'on aimerait comprendre avec vous, c'est que alors les statistiques sont très claires sur le fait qu'effectivement les enfants développent moins de formes graves. Néanmoins, là où il commence à y avoir une ambiguïté, c'est sur la contagiosité. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils ont moins de formes graves parce qu'ils attrapent moins la maladie, ou est-ce qu'ils ont moins de formes graves parce que, eh bien, ils attrapent la maladie, mais ils ne développent pas de symptômes, ce qui pose la question de leur contagiosité. Oui, c'est ce que j'avais commencé à vous dire, par rapport justement à la faible expression des récepteurs ACE2. C'est ça qui fait que le virus pouvant pénétrer de façon moins virulente en fait dans l'organisme, ça va donner des formes qui vont être beaucoup plus aussi symptomatiques. Donc on a peu de symptômes, comme un rhume, comme une pseudo-grippe ou je ne sais quoi, et plein de formes asymptomatiques. Et alors là, c'est une bonne chose. Parce que forcément, on se dit que les enfants vont être moins à risque. Mais d'un autre côté, les enfants asymptomatiques, là, vous allez les serrer dans vos bras à la maison, vous allez les garder près de vous, et ils peuvent aussi quand même vous transmettre. Dans une des études aux États-Unis, au CDC, on a quand même vu qu'ils considéraient que 60% des infections étaient dues, par exemple, à des personnes asymptomatiques aux USA, parce qu'ils sortent. Forcément faire attention. Mais alors ça, c'est pour les personnes asymptomatiques, parce que moi, j'ai le souvenir d'études, justement, à propos de la contagiosité des enfants, disant que la contagion se faisait, en général, de l'adulte vers l'enfant et beaucoup moins de l'enfant vers l'adulte. Or, je crois que ces études-là, elles ont été un peu infirmées par d'autres études épidémiologiques plus larges qui montrent que bien les enfants, finalement, sont contagieux comme les personnes asymptomatiques que vous décriviez. Oui, je pense que là, vous voulez parler en fait de l'étude principale hein, sur laquelle s'était basée la Société française de pédiatrie lorsqu'ils ont donné leurs premières recommandations. C'est une étude qui avait été effectuée pendant le confinement sur un nombre quand même limité d'enfants. Et pour moi, il me semblait, enfin, les biais sont évidents en fait là-dedans. Forcément, on va trouver des enfants qui vont être majoritairement contaminés par les adultes, qui vont être les seuls à sortir du foyer et qui vont forcément plus se le ramener. Par contre, en effet, il y a quand même pas mal d'études, pas mal de choses qui s'accumulent pour dire que c'est pas aussi tranché que ça. Au contraire, il y a plusieurs études qui sont parues qui tendent à prouver que l'enfant est contagieux déjà, ça c'est une certitude, mais il est parfois aussi contagieux que l'enfant que l'adulte. Notamment, je pense à une très intéressante étude qui est toujours en cours aux États-Unis où, pour éliminer les biais, en fait, les chercheurs se sont dit qu'ils allaient tester toutes les personnes positives et toutes les personnes qui sont dans le foyer de cette personne positive durant 14 jours, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Et là, ce qu'ils ont trouvé est quand même assez et inquiétant, c'est que déjà, il y a 50% de transmissibilité au sein du foyer, et surtout que les enfants et les adultes, sans distinguo, se contaminent les uns les autres. Ce qui signifie, si on vous comprend bien et si on comprend bien ces études, que finalement, le maintien de l'ouverture des classes participe activement, comme le redoutaient pas mal de personnes, que ce soit d'ailleurs des familles ou des enseignants, au maintien de la diffusion du virus et de la propagation épidémique. Eh bien, oui et non. Oui, parce que forcément, il va y avoir des clusters, il va y avoir des infections, il va y avoir des contaminations. Après, non, dans le sens où les enfants vont rester avoir des formes qui vont être bénignes et qui vont être peut-être un peu moins excrétantes. Bon, après, c'est vraiment moins tranché cette question. Et en fait, il faut bien comprendre qu'actuellement, celui qui dira que les enfants sont ultra contagieux ou sont non contagieux, il a tort dans les deux cas. Les enfants, ils sont contagieux, mais on ne sait pas à quel niveau. Le fait qu'ils participent au rebond, aux vagues auxquelles on a assisté, on ne peut pas le trancher parce qu'à chaque fois, quand les écoles sont fermées, en fait, on ferme les bars, les restaurants, les cinémas. Donc on ne peut pas, on a des biais, on ne peut pas savoir si c'est uniquement l'école. Après, il y a des indicateurs, il y a quand même des études qui prouvent que l'incidence augmente en effet à la réouverture des écoles. Il y a quelques chiffres qui sont parfois assez surprenants et là aussi assez contre-intuitifs sur ces enfants qui développent des symptômes, a priori notamment des symptômes graves. A priori, ce sont les plus jeunes parmi les enfants qui ont plus tendance à développer des symptômes graves par rapport aux autres. Alors oui, ce seront les nouveau-nés ou ceux qui, enfin les enfants de moins d'un mois, forcément. Après, il faut bien savoir que les décès dont j'ai évoqué tout à l'heure, les quatre décès qu'il y a eu en France, il y avait à chaque fois des comorbidités chez ces enfants. C'était pas des enfants qui n'avaient pas de maladie du tout. Donc ça se touche un peu aussi, finalement, comme l'adulte, quand c'est plus risqué chez l'adulte, quand on est obèse, diabétique, etc., plus les enfants qui vont avoir des pathologies lourdes. Après, il y a, en effet, des formes graves chez l'enfant. Et ça, on s'était totalement emballé après 4-5 semaines après la première vague, quand on a découvert ces pseudo-Kawasaki, qu'on a renommé hein, depuis PIMS, mais ça je vous le dirai pas en anglais parce que vu mon accent, je préférerais que vous le disiez, Nicolas. Je vais vous laisser le faire. Je vais le traduire en français, hein, c'est le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant, ça compte double quand vous jouez au Scrabble. Et en gros, en fait, ce syndrome inflammatoire multisystémique, c'est vraiment très proche du Kawasaki, c'est même quasi un Kawasaki pour les plus jeunes, entre 0 et 5 ans. On rappelle en deux mots ce que c'est que le Kawasaki, parce qu'effectivement, on en avait parlé ici. Le Kawasaki, c'est une sorte d'inflammation systémique complète. Ouais, je vais vous laisser le faire, vous le ferez mieux que moi. Allez-y. Non, vous y dites ça très bien. C'est en effet une inflammation multisystémique, donc qui s'installe à plusieurs systèmes et qui va surtout provoquer un risque d'anévrisme coronaire, hein, les artères qui sont autour du cœur et qui vont nourrir le cœur. Et ça va provoquer vraiment des tableaux avec des enfants très altérés, avec une fièvre prolongée. Et on assiste aux mêmes choses dans le PIMS. Hein, et il y en a eu quand même 350 cas répertoriés depuis le 1er mars. Qui ont heureusement débouché quasi jamais sur un seul décès. Il y a eu des réanimations, mais il n'y a eu qu'un seul décès, il n'y a pas eu d'autres. Oui, il faut préciser que le Kawasaki, même si c'est très très impressionnant, on en guérit plutôt relativement bien. Olivier, vous aviez une question ? Oui, je m'interrogeais sur le fait que le variant, que les variants puissent là aussi changer la donne. Est-ce que, enfin, je sais qu'il y a des études au Royaume-Uni qui posent cette question et qui semblent dire que là aussi, dans la communauté des enfants, le variant britannique semble plus contagieux, et ça m'aurait intéressé d'avoir un commentaire de Toubib là-dessus. Ça a été relayé surtout après un reportage avec l'infirmière en chef, je crois, de l'hôpital du King's College de mémoire, ou de l'Imperial, de Londres. Néanmoins, ça, sur la surcontagiosité pour les enfants, a priori, ça a été débunké, ou ça a été, on a montré que ça n'était pas vrai, que les enfants n'étaient pas plus sensibles à ces nouveaux variants. Je parle sous votre contrôle. Oui, en fait, a priori, pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour vous dire directement que les enfants vont être plus susceptibles aux variants. On sait que le variant, il a 50 à 74% environ de contamination, de contagiosité supplémentaire par rapport au modèle original. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on ne peut pas statuer. Il faut attendre d'avoir d'autres études pour statuer sur la contamination chez les enfants. Mais il n'y a pas de raison que s'il soit plus contagieux chez l'adulte, il ne soit pas quand même plus contagieux chez l'enfant également. Oui, c'est ça. Ce serait une sorte d'effet de loupe statistique. Un dernier mot, ou peut-être un commentaire, Thomas Cavaillé, ou une question sur ces liens troubles entre Covid et enfants. Oui, moi je me demandais, vous parliez tout à l'heure de biais, qu'on ne pouvait pas savoir si la fermeture des écoles permettait un peu de ralentir l'épidémie. Je me demandais si avec les vacances scolaires, on n'avait pas pu avoir quelques indices. C'est trop court, en fait, 2 semaines pour avoir une idée là-dessus. Monsieur Toubib, il y a des études épidémiologiques qui montrent un ralentissement de la circulation du virus pendant les vacances qui pourrait être lié donc à la fermeture des classes. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu plusieurs études, notamment même aux USA, en fait, qui avaient prouvé que le fameux R, en fait, a été largement augmenté. Le taux de reproduction. Voilà, c'est ça, le taux de reproduction, juste après la réouverture des établissements aux États-Unis. On peut y voir un lien, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet, ça joue un rôle, lequel, on ne peut pas le préciser totalement, on ne peut pas dire s'ils sont super contagieux, mais ça joue un rôle tout à fait indéniable dans l'épidémie, et la fermeture des écoles participer à faire tomber finalement cette contagiosité. Mais il y a une chose très importante qu'il faut savoir à propos de ça, c'est que je ne recommande pas la fermeture des écoles immédiat. Je la recommande en dernier recours. Je m'aligne sur mes collègues, sur l'UNICEF et sur plein de gens, parce que ça a d'énormes conséquences autres que la santé chez les enfants, psychologique, social, économique, et ça c'est aussi extrêmement important à mettre en balance. Bien sûr, et vous faites bien de le préciser. Merci de nous avoir donné cet éclairage sur le lien qu'il peut y avoir entre pédiatrie et Covid. On va poursuivre notre tour de table du vendredi, on va changer radicalement de sujet, vous allez voir, on va vous mettre des étoiles, des dinosaures et des arbres à poison plein les yeux. Incessante et tout voûté, anonyme, porté par le souffle de la docilité, hébété par le mimétisme des attitudes, étourdi d'ombre et de servitude. Face au vent, face au vent, brisé. Accélère, sortir du rang, s'échapper quelques secondes à l'orée des temps. Des faux amis qui t'entraînent à corps défendant. Trouver la brèche, s'y engouffrer à cœur gagnant. Face au vent, face au vent, briser les règles. Face au vent, face au vent, oser le contre-courant, on ne décolle que face au vent. Remonter la file exempte et envoûter. Avec la force des exaltés, affranchis par l'évidence du libre arbitre, savoir et faire savoir qu'on a tous voix au chapitre. Face au vent de Cancre à 16h35 sur France Culture, comme toujours en soutien à la scène musicale indépendante française, c'est notre vendredi consacré eh bien, à l'actualité des sciences et de la recherche après avoir parlé du lien entre Covid et pédiatrie, tout autre sujet. On pourrait dire qu'on entre un peu dans le dur de cette émission parce que oui, nous allons vous parler des dinosaures. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de dinosaures, tiens d'ailleurs, on va se faire plaisir, on va même écouter un bruit de dinosaure. Voilà, ça décoiffe, pourquoi pas. Alors les dinosaures, on adore évidemment, on en parle souvent pour évoquer notamment leur disparition lors de la dernière extinction de masse, c'était au Crétacé il y a 66 millions d'années. On parle moins souvent de leur implacable conquête de notre planète. Comment sont-ils arrivés à régner en maître pendant des centaines de millions d'années sur Terre? C'est ce que vous allez nous raconter, Thomas Cavalier. Oui, tout à fait. C'est le thème de notre une du prochain numéro. C'est comment les dinosaures, c'est une super famille qui a régné en fait pendant 170 millions d'années, qui a été non challengée. C'est assez extraordinaire. Elle est présente sur tous les écosystèmes terriens, bien sûr terrestres plutôt. Mmh. Et l'histoire de leur origine est en fait encore plus intéressante que l'histoire de leur trépas. Et c'est quelque chose dont on a très peu d'indices pour l'instant, et c'est assez normal. En fait, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Les premiers dinosaures étaient forcément beaucoup moins nombreux que ceux que pendant le Jurassique ou le Crétacé, ou là où ils régnaient en maître un peu partout sur la planète. Donc, on a très peu d'indices. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on commence à redécouvrir l'histoire de l'origine des dinosaures. Et nous, on s'est passionnés pour cette histoire parce que c'est une histoire de cataclysme. Ouais, c'est une histoire vraiment passionnante. J'avoue qu'on se plonge dans ce dossier avec grand plaisir. Alors, pour expliquer ce succès évolutif, il faut remonter à une extinction précédente parce qu'on va se rendre compte que les dinosaures, comme beaucoup d'espèces finalement, à un moment donné, profitent de la libération de différentes niches écologiques, et là en l'occurrence, après la libération de beaucoup, d'un grand nombre d'entre elles. Oui, vous le dites, en fait on revient à une extinction massive qui était il y a 252 millions d'années, qui s'appelle d'ailleurs, qui est surnommée la Grande Mort, c'est-à-dire que c'est la plus grande extinction jamais enregistrée sur Terre. Il y a environ, à ce moment-là, 90% des espèces marines qui disparaissent et 70% des espèces de vertébrés terrestres. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a les fameux trilobites, quoi, ces petits organismes marins dont on connaît tous la forme qui disparaissent. C'est assez extraordinaire. En fait, à ce moment-là, il y avait on appelle ça les trappes sibériens. C'est une immense région volcanique qui s'étendait sur un territoire grand comme 8 fois la France et qui, pendant des millions d'années, a provoqué en fait une sorte d'hiver volcanique, quoi, qui a augmenté le taux de CO2 dans l'air, et puis après le CO2 a été absorbé par les océans ont augmenté d'une dizaine de degrés en température, ils sont devenus plus acides aussi, et en fait ça a provoqué une extinction massive. Et de là, sur les cendres de ce monde, en fait, arriver les dinosaures. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense dinosaures, on pense à ces espèces d'immenses reptiles géants. Or, le début des dinosaures, ça commence exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça commence par plein de petites créatures qui réduisent même en taille. Oui, tout à fait. Alors, le premier dinosaure, déjà, on arrive à peu près à savoir comment il était. Il faisait 1 mètre de longueur, ce qui fait qu'il devait faire 40 centimètres. Il était bipède, ça c'est très important, parce que les dinosaures sont des bipèdes. Oui. Et il devait être très intelligent. Et effectivement, en fait, le dinosaure, bien sûr, il n'apparaît pas de nulle part. C'est un archosaure, c'est une classe de reptiles qui avait survécu justement à cette formidable extinction. Et après, cette classe, les archosaures, se sont divisés en deux groupes. D'un côté, les pseudosuchiens, qui sont un peu, c'est les ancêtres des crocodiles actuels. Et qui, eux, ils régnaient à ce moment-là, pendant le Trias, parce que là, on est sur une période appelée le Trias, c'est vers 250 millions d'années. Eux, ils régnaient complètement, ils étaient aussi gros que des bus. Par contre, les ancêtres des dinosaures, les ave métatarsaliens, on les appelle, eux, ils ont effectivement, ça c'est une découverte récente, ils ont réduit en taille, ils sont devenus, certaines n'étaient pas plus gros que 10 centimètres. C'est la découverte d'un fossile appelé Congonathon Kelly à Madagascar qui a pu montrer ça. En fait, ils se sont fait, pour ainsi dire, tout petits, et notamment pour, vous l'avez dit tout à l'heure, conquérir de nouvelles niches écologiques qui étaient laissées par les espèces qui avaient disparu. Et on pense que Congonathon Kelly, lui, il était insectivore, et donc se réduire en taille pour se faire petit, pas se faire voir par les gros crocodiles qui marchaient à côté. C'était une très très bonne stratégie. C'est ça. Fait. Une stratégie qui a été payante. Et alors, pour plusieurs choses, déjà d'une, parce que pour développer le vol, et on va voir que le vol est apparu à plusieurs reprises chez les dinosaures, eh bien, il faut plutôt être petit que très gros. Et puis surtout, peut-être le plus intéressant et le plus important, Thomas, c'est l'apparition de la bipédie. On l'oublie, mais la bipédie est quelque chose de très rare dans l'évolution, à part nous, les primates. Les oiseaux, les oiseaux, c'est les dinosaures, et quelques marsupiaux à la marge. La bipédie, ça apparaît très, très, très rarement. C'est une exception dans le règne animal. Oui, oui, c'est assez étonnant de se demander quel est notre point commun entre la poule et nous. En fait, c'est la bipédie. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. mais oui, en fait, voilà, la stratégie du dinosaure, en fait, la miniaturisation permet aussi une sorte de remodelage de la façon dont on bouge, quoi, de la morphologie. Donc, on pense effectivement que c'est pour le vol, vous en avez parlé. Alors, c'est pas tant les dinosaures qui volaient, hein. C'est plutôt les ptérosaures qui est une clade de famille. Le ptérodactyle n'est pas un dinosaure, en fait, c'est un ptérosaure. Mmh. Mais par contre, effectivement, il permet de se remodeler comme ça. Et les premiers archosaures et les crocodiles actuels, d'ailleurs, avaient une posture dictaphalée, c'est-à-dire que les membres se déploient sur le côté du corps. C'est un peu comme si on rampait comme un crabe, quoi. Mmh. Alors que les dinosaures sont comme nous, les membres sont venus se mettre sous le corps, et ça permet, en fait, c'est étrange, c'est qu'on appelle ça, il y a une sorte de barrière, la barrière de Carrier, qui fait que lorsqu'on a une posture affalée, on peut pas courir et respirer en même temps. Alors qu'avec une posture érigée, comme ont les dinosaures et comme nous avons et comme ont effectivement certains marsupiaux, on peut faire les deux en même temps. Donc c'est un incroyable gain d'endurance, quoi. Et ça, tout ça s'est passé juste après, très rapidement, juste après cette extinction de masse qu'il y a eu il y a 252 millions d'années, parce que le premier dinosaure, enfin le plus vieux qu'on a trouvé nous, qui s'appelle Nyasasaurus, il a été retrouvé il y a 240 millions d'années. Et c'est déjà un dinosaure bien formé. Donc très vite, en fait, le dinosaure est apparu après l'extinction. C'est ça, ça a été assez rapide en termes d'évolution, hein, en quelques millions d'années à peine. Alors on pourrait dire, parce que on va pas rentrer dans le détail, parce qu'on va pas avoir le temps de rentrer dans tout le détail qui est assez passionnant, et puis il faut renvoyer les auditrices et les auditeurs à Science et Vie pour le lire. D'autres avantages évolutifs, parce qu'il y a plusieurs embranchements. D'un côté, les sauriciens, les saurischiens, d'un côté, les sauropodes de l'autre, qui vont commencer à grandir et qui vont devenir les grands herbivores. Mais ce qu'on peut dire, c'est que qui eux restent quadrupèdes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un autre avantage majeur qui va être lié après la bipédie, certainement au triomphe évolutif de ces dinosaures, c'est l'endothermie. On en parlait dans une émission il y a pas très longtemps, la thermorégulation, le fait que ça devienne vraisemblablement des animaux, peut-être pas complètement à sang chaud, mais pas loin. Oui. Effectivement, on dit qu'ils étaient probablement à sang tiède. En fait, les oiseaux aujourd'hui, ce sont des animaux à sang chaud comme nous. Et donc, c'est très difficile de savoir. On peut pas être sûr que les dinosaures étaient à sang chaud aussi, ou en tout cas qu'ils n'étaient plus à sang froid comme le sont certains reptiles actuels. Mais effectivement, en fait, et le fait qu'ils avaient pu avoir un sang chaud, ça oblige aussi à trouver un moyen, en fait, de se protéger du froid, du chaud, et donc d'obtenir certains téguments qui pourraient très bien être la plume. On sait que c'est encore un gros débat aussi, l'arrivée de la plume chez le dinosaure, mais plusieurs chercheurs pensent qu'effectivement, c'est parce que il devenait à sang chaud qu'il fallait se protéger, il fallait trouver un isolant, en fait, puisqu'il faut rester à la même température, et que les protoplumes auraient pu apparaître. Non pas pour le vol, au début on sait que la plume est apparue avant le vol, mais peut-être pour se protéger. Il y a l'autre, puisqu'on parlait tout à l'heure de la respiration, un autre avantage particulier, parce qu'on pense évidemment toujours avec notre présentocentrisme que la Terre a toujours ressemblé à celle que l'on connaît aujourd'hui avec les continents, mais à l'époque nous sommes sur la Pangée à ce moment-là, et la composition de l'atmosphère n'est pas encore la même, hein, la concentration notamment en oxygène n'est pas tout à fait la même, et là aussi il y a eu un avantage évolutif chez les dinosaures, c'est dans la structure particulière et très fine de leurs poumons. Oui, exactement. En fait, là, vous l'avez dit, la troisième extinction qui a permis aux dinosaures de se déployer, c'est l'éclatement de la Pangée. Là, c'est vraiment, il y a 200 millions d'années, la Pangée s'éclate de tous les côtés. Alors que c'était un supercontinent massif, il y a des continents qui commencent à se déployer. Et à ce moment-là, il y avait une énorme bassine de magma qui était, je crois que c'était 100 millions de kilomètres carrés, c'est assez exceptionnel. Et surtout, la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, elle baisse, elle arrive jusqu'à entre 15 et 10%, on estime, alors qu'aujourd'hui, on est à 20% à peu près. Donc, il faut des super poumons. Et effectivement, les oiseaux parce qu'on se réfère toujours aux oiseaux si jamais on veut étudier les dinosaures, c'est un peu notre base. Et les oiseaux, ils ont des poumons plus performants que nous, alors que les nôtres, ils s'affalent, ils se gonflent, nous avons des poumons mobiles. Ceux des oiseaux, ils sont en fait maintenus, c'est des poumons, ça ressemble à des grosses éponges, et ils ne changent pas de grosseur, quoi. De volume. Ils ne bougent pas. Et ça leur permet d'avoir en fait une membrane qui fait la diffusion de l'oxygène dans les poumons et dans le sang. Ça leur permet d'avoir une membrane plus fine qui, si elle était dans un poumon mobile, cette membrane casserait. Et en fait, ça permet une diffusion plus efficace de l'oxygène. Et donc, on estime que les dinosaures, probablement, effectivement, ils respiraient un peu mieux. Et dans cet environnement pauvre en oxygène, ça a sûrement été un avantage. Ce qui explique d'ailleurs les os creux que l'on peut voir sur les squelettes et sur les fossiles de dinosaures et qu'on retrouve chez les oiseaux. Oui, tout à fait. Mmh. C'est ce qu'on appelle des sacs aériens, des toutes petites réserves en fait en oxygène qui sont dans les os et qui c'est assez drôle parce que du coup ça fait des os creux et aussi donc moins lourds et qui permet un élan vers le gigantisme. Donc tout a l'air de s'imbriquer. En fait, toutes les petites adaptations qu'ont eu les dinosaures ont été super efficaces jusqu'à ce qu'il y ait un astéroïde qui arrive. Jusqu'à une comète. Mais on sait que c'est multifactoriel, qu'il n'y a pas que la comète pour expliquer leur disparition. Un dernier mot justement, à quel moment est-ce que progressivement d'ailleurs revient le gigantisme, un mot pour arriver à cette image d'Épinal qui est celle du dinosaure aujourd'hui? C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. Le gigantisme, à quel moment revient, à quel moment les dinosaures recommencent à croître en taille? Parce qu'il y a vraiment un moment où d'un seul coup, on retrouve ces espèces d'immenses sauropodes qui apparaissent et qui deviennent, qui sont l'image d'Épinal que l'on connaît des brontosaures, etc. Ouais, en fait, ça arrive il y a 200 millions d'années, justement, au moment de l'éclatement de la Pangée. On a retrouvé, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un des premiers géants qui a été nommé ainsi, Ingenia Prima. Et je crois qu'il était âgé exactement de 202 millions d'années. Et là, c'est vraiment l'élan vers le gigantisme qui va donner, effectivement, ces monstres de plus de 100 tonnes. Les dinosaures, c'était les plus gros animaux terrestres qu'il n'y a jamais eu sur Terre. Eh bien voilà, si vous voulez en savoir plus, on vous renvoie à ce très chouette dossier de Science et Vie du numéro de février 2021 et on va continuer ce tour de table par notre dernier sujet du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et après les dinosaures, on ne recule devant rien pour vous garder en haleine, collé à votre poste de radio, même pas devant le mystère des arbres vénéneux. Olivier Lascar, pour rebooster l'audience de ce dernier quart d'heure d'émission, vous nous dites tout sur ces mystérieux arbres à poison. Alors, cher Nicolas, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre folle jeunesse, il y avait un dessin animé qui parlait des monstres aux plantes. Ah, mais bien sûr, Jay, c'est les conquérants de la lumière. Absolument, vous pourrez même vous chanter le générique, si j'avais un peu moins de dignité. Bon, bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Et les monstres aux plantes, ils sont dans ce papier intitulé Le secret des arbres à poison, qui est au sommaire du dernier numéro de Science et Avenir, qui est en kiosque. C'est un article de Rachel Mulot. Et elle fait vraiment le portrait de trois affreux, notamment, qui sont des arbres. Alors, il ne faut pas pratiquer la sylvothérapie avec eux, quoi. C'est pas de câlin dans la forêt. Non, non. Mmh. Alors, le premier d'entre eux, c'est un arbre qui s'appelle le Jimpy Jimpy, et qui est aussi désigné souvent sous le nom d'arbre araignée. Il ne paye pas de mine, c'est un arbuste qui fait 3 mètres de haut à peu près. On va le trouver en Australie. Alors déjà, on commence à se méfier parce qu'on sait que l'Australie, c'est la terre des choses qui piquent et qui mordent en général. Je connaissais pas cette réputation qu'avait le... Écoutez, les migales et les requins blancs, c'est quand même oui, là-bas. Oui, bah, on trouve des matoutous à La Réunion et des requins blancs aussi. Enfin, bon, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette image d'Épinal? Oui, si l'ambassadeur nous écoute, il va m'envoyer une carte postale. Il n'y a pas que des choses qui piquent en Australie. Alors, en tout cas, là, ça pique dur parce que cet arbre, le Jimpy Jimpy, il est doté de feuilles qui sont recouvertes d'un petit duvet qui ne paye pas de mine, mais qui fonctionne comme autant de petites aiguilles hypodermiques qui vont se ficher dans la peau. Il suffit de passer un petit peu à proximité, ça fait une sorte d'appel d'air. Ça se plante à l'intérieur de la peau et ça peut y rester jusqu'à 6 mois. Ah, mais donc on n'a même pas besoin de le caresser, c'est-à-dire que l'arbre vous attaque carrément à proximité. Voilà, attaquer c'est quand même un grand mot. Hein. On va essayer de vous trouver une photo du Jimpy Jimpy pour remettre sur notre fil Twitter. Vous verrez, il ne paye pas de mine. Il y en a un autre qui a vraiment une tête hostile. Mais Jimpy Jimpy ne paye pas de mine. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce venin ou ce poison? On parle plutôt de poison, hein. Le venin c'est plutôt pour les animaux, je pense. Les scientifiques le désignent sous le terme de poison. Ils le comparent aux toxines qui peuvent être développées justement par les araignées. Parce que ce qui fait la nouveauté scientifique de ce papier, qui n'est pas uniquement bucolique, c'est que les chercheurs qui se penchent évidemment sur ces végétaux depuis des années viennent de faire un papier dans lequel ils identifient en fait les agents toxiques qui créent ces démangeaisons qui peuvent, ça dure six mois, un an. Parce que ça ne tue pas, mais la légende veut que les gens, ça devient tellement douloureux, parce qu'en fait on a beau se laver, ça ne part pas, enfin c'est une vraie cochonnerie quand même. Oui, ils finissent par se suicider. Oui, voilà. Tellement ça fait mal. Hein. Oui. Et alors ces peptides neurotoxiques, ils ont été identifiés par les chercheurs qui viennent de faire, enfin ils ont publié un papier en octobre dernier, et ils disent que dans sa configuration, ces peptides qui sont composés de 36 acides aminés ont une configuration en 3D qui évoque complètement les fameux poisons des araignées, des scorpions et également de certains escargots marins à coquilles coniques qui peuvent tuer les baigneurs parce qu'elles délivrent un poison mortel. Là, en l'occurrence, ces arbres peuvent tout de même tuer un cheval, hein, donc ça rigole pas tout à fait quand même. Alors, ce qui est très intriguant dans cette histoire, c'est d'abord de constater qu'il y a une sorte de convergence de l'évolution, puisque d'un côté, on a des animaux qui sont obligés de tuer pour se nourrir, qui vont donc développer des armes à cet effet. Et de l'autre, on a des végétaux qui sont pas du tout dans la même configuration. Eux, ils ont simplement besoin d'empêcher à être broutés par des herbivores. Mais pourtant, le même dispositif de défense va se mettre en branle et à converger jusqu'à devenir singulièrement identique. Mais on explique justement en termes évolutifs la raison de l'extrême toxicité de ces végétaux-là ? Non, on l'explique pas vraiment, et c'est justement le point sur lequel sont encore penchés les scientifiques, parce que le comprendre, ça permettrait de savoir les mécanismes liés de la douleur et donc peut-être les mécanismes pour s'en prémunir. On sait, ils se sont rapprochés d'une compréhension des phénomènes intimes de ce qui se passe. On sait que les neurones sensoriels qui sont dotés au niveau de leur membrane de canaux ioniques, c'est à cet endroit-là que les peptides vont se placer et il se met le chaos. C'est-à-dire que au lieu de d'avoir un système ouvert fermé, hein, pour le dire vite, sur ces canaux ioniques, c'est il la reste folie. Ouvert en permanence. Et voilà, il n'y a plus possibilité d'interrompre le canal de la douleur. En fait. Et donc la douleur est toujours là, elle est toujours présente. On vient de poster la photo du Jimpy, effectivement, ça a l'air absolument complètement d'une gentillesse totale. On dirait une sorte de grosse monstera. On n'imagine pas du tout que c'est de la méchante bête, j'allais dire. Et d'après les chercheurs, il y a un seul animal qui est capable d'en faire son repas. Et ce charmant animal, il répond au nom du pas de melon à pattes rouges. C'est donc un oiseau. C'est un marsupial. Là, en photo, c'est un vrai walibi, quoi. Je suis vraiment très très mauvais à Géopardie. D'autres exemples dans ce dossier, Olivier, le mancenillier. Oui, alors le mancenillier aussi, c'est un arbre de mangrove, de plage, qu'on va trouver dans les Antilles, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Alors, il paye pas de mine non plus, hein. Il fait d'ailleurs de jolis petits fruits qui ressemblent à des petites pommes vertes. Mais Trafalgar, là aussi, c'est terrible. La sève et les fruits recèlent des substances inflammatoires. Et ces substances, elles peuvent provoquer de graves lésions des organes internes ou externes. Et cet arbre-là, il a un nom latin qui commence par le mot hypoman, qui vient du grec hippo et mania, la fureur, parce que on dit qu'il rendait les chevaux fous de douleur. Et Manzanilla, à cause de l'espagnol Manzanilla, qui signifie petite pomme, ça c'est, on l'appelle la toxicité de la pomme zombie, qui est connue, qui est d'ailleurs utilisée, hein, par les populations autochtones. Oui, qui s'en servait pour empoisonner l'eau d'ennemis, qui s'en servait comme d'une arme, effectivement. Mais le mancénilier, comme on l'a dit, il est pas non plus, il paye pas de mine. Hein. C'est pas le cas de notre dernier. Alors le dernier, l'arbre bombardier qu'on appelle aussi le paix du diable, ce qui ferait plaisir à Natacha Triou. Voilà, ça sera dans la prochaine chronique peut-être. Mais celui-là, bon, de toute évidence, on va pas s'en approcher parce que son tronc, bon, il est très majestueux, il est très grand, 27 à 40 mètres, et son tronc est recouvert d'épines qui sont toxiques et qui, elle aussi, provoque des dégâts considérables. Alors, il y a les épines, mais il y a aussi les fruits. S'il s'appelle l'arbre bombardier, c'est parce que ces fruits qui sont lourds, qui sont gros, peuvent tomber, évidemment, quand ils sont mûrs, ils tombent au sol. Ils explosent à une vitesse de 50 km/h. Ils peuvent projeter leurs graines jusqu'à une vingtaine de mètres de distance. Et c'est d'ailleurs la façon dont ils procèdent pour essaimer, quoi, littéralement. Parce qu'ils sont tellement dangereux qu'ils sont très peu fréquentés par les oiseaux et les animaux qui pourraient fonctionner en ce sens. On va vous trouver aussi des photos de cet arbre bombardier, du mancenillier, à mettre sur notre fil Twitter. Alors, tous ces arbres-là, pour le moment, c'est lointain, c'est exotique. Mais il n'y a pas que des arbres lointains exotiques, Olivier. Il y a aussi des arbres que l'on trouve sous nos latitudes. Oui, alors vous pouvez regarder d'un sale œil fond de votre jardin et essayer d'y détecter peut-être un sitiz. Alors le sitiz faux ébénier, hein, c'est son nom complet. Alors toute la plante, mais également les fleurs et les graines contiennent un alcaloïde très toxique qui se rapproche par son action de la strychnine. Et là le problème c'est l'ingestion des fleurs. Les fleurs et des graines, parce que cet arbre développe des graines qui ressemblent à des sortes de petits haricots jaunes, qui sont tout à fait sympathiques, que les enfants peuvent utiliser pour jouer à la dinette, comme l'écrit notre journaliste Rachel Mulot. Et là, évidemment... Mauvaise idée. On termine comme chaque semaine, ou tous les 15 jours plus exactement, par un petit tour de table. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que nous n'aurions pas traités, qui sont dans l'actualité scientifique et auxquels vous auriez pensé les uns les autres, Thomas Cavaillé? Moi, j'ai vu qu'il allait y avoir une grosse conférence là à propos des lignes de Nazca. Vous savez, ces énormes géoglyphes qui sont dans le Pérou là, et donc qui étaient sûrement un système d'irrigation. Et apparemment, il va y avoir début février une grosse communication là-dessus. Et ça me passionne pas mal, j'avoue. Il me tarde d'en savoir plus. Ça, nous aussi, le mystère des géoglyphes de Nazca. D'ailleurs, on devrait en faire une émission un jour, il me semble. Monsieur Toubib, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez vu dans l'actualité scientifique que vous aimeriez évoquer? Autre chose, pas forcément. On se rapproche de ce qu'on a vu, c'est-à-dire par rapport... Moi, je suis particulièrement attentif à ce qui se passe par rapport aux variants, et notamment le variant brésilien, le dernier identifié, et qui, je pense, est très important à suivre en ce moment. Très important parce que... Parce que, toujours la même rhétorique, c'est-à-dire il faut savoir si ça va avoir une action sur le vaccin ou est-ce que ça va vraiment pas, ne pas en avoir, sinon ça va être très compliqué, vu que le premier cas était déjà rapporté en Europe. Et Olivier Lascar. Alors peut-être pour rester dans le tempo des dinosaures, citer un papier qui est sur le site de Science et Avenir à propos de la découverte dans les Bouches-du-Rhône, dans la garrigue, d'un squelette de dinosaure. Alors il fait 6 mètres de long, mais c'est un représentant juvénile d'une espèce qui peut aller jusqu'à 12 mètres. Et ce qui est assez merveilleux, c'est de penser qu'aujourd'hui, en France, sur un terrain qui paraîtrait labouré de partout, on continue à trouver les monstrueux reptiles. On va surveiller ça de très près. Merci en tout cas à tous les trois. Olivier Lascar, donc à la une de Science et Avenir, la recherche ce mois-ci. Cerveau, émotion, vaincre le stress, tous les trucs dont on a bien besoin par les temps qu'on vit, cher ami. Thomas Cavaillé, à la une de Science et Vie. Les dinosaures, donc, et le Big Bang, la matière origine, livre ses secrets. Et Monsieur Toubib, on vous retrouve, on peut vous lire dans Urgence, hors note Urgence, aux éditions First, et sur votre page Toubib, hors note Toubib, où vous continuez à nous apporter régulièrement des informations sur le coronavirus, mais pas uniquement. Merci beaucoup à tous les trois. Un mot pour la recherche sur le trimestriel aussi, également. Oui, alors il y a le magazine La Recherche a évolué sous la forme d'un trimestriel, et son nouveau numéro qui fait la couverture sur L'origine du vivant, il est en kiosque et en librairie puisque c'est un MOOC depuis jeudi. Ouais, un très beau magazine et une belle évolution pour ce titre qui nous tient à cœur. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Ève Etienne, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation et Lise Leu à la technique. La semaine prochaine dans le labo de la méthode scientifique, lundi on va triper un coup puisqu'on parlera du cerveau et des drogues psychédéliques. Quel usage médical, qu'en dit la recherche. Mardi, s'il n'y avait pas de matière noire, tout compte fait, on parlera donc de la théorie monde. Mercredi, il sera question du soldat du futur. jusqu'où peut-on augmenter nos militaires de demain. Jeudi, instinct parental et génétique avec Catherine Dulac. Et vendredi, ce sera une émission spéciale consacrée au festival fantastique du film de Gérard May. Nous parlerons de la nouvelle génération du cinéma fantastique français. Demain à 16h, vous retrouverez Étienne Klein dans la conversation scientifique pour la musique électrique des sphères. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.